Le testament des patriarches. Version française. Deuxième édition. D'après les manuscrits et fragments syriaques, coptes, arméniens, russes, géorgiens, grecs, latins. De l'anglais, The Testament of the Three Patriarchs. Révisé sur les travaux et chroniques des orientalistes Saint-Ephrem, Tabari, Issa Verdun, Spark, Kuhn, James, Charles, Malan, Charles Svert, Gasper. Publié en 2016 par les éditions Filblues et ISBN 978-2-981-61383. Table des matières. Livre d'Adam. Testament d'Abraham. Testament d'Isaac. Testament de Jacob. Testament des douze. Page totale, 116. Une grande accumulation dans cette vie rend un sûr témoignage de ne rien avoir à recevoir dans l'autre. Jésus.